Ma zone de confort à moi, c'est ma chambre. Cet espace clos, rectangulaire, aux murs blancs, qu'au fur et à mesure j'ai recouvert de petits bouts de papier découpés dans des magazines, de journaux froissés, de mots que j'aimais tellement que j'avais envie de pouvoir les lire sans aller trouver le livre. Alors, enlever le blanc de ma chambre, ça a longtemps été une obsession. Parce que je voulais que ce soit cette zone où je puisse me recueillir quand j'allais pas bien. Et ça l'a été. Parce que personne ne savait que j'allais pas bien. Mais ma chambre, elle a tout vu. Elle veillait sur moi d'une certaine manière. Elle me permet d'être tout ce que j'ose pas montrer. Devant elle, je danse. Je danse tout le temps. Et quand j'étais pas capable de me traiter comme une amie, c'était l'endroit où je pouvais aller mieux. Elle m'a entendu chanter, m'a entendu réciter des poèmes, dessiner, jouer de la guitare, essayer d'avoir mon grand écart, apprendre à marcher avec des talons, prendre une robe de ma grand-mère et m'imaginer dans les années 50. Ma zone de confort. Une zone, donc. Une limite, un tracé. Qui a tendance à me renfermer? Parce que c'est tout vivre entre ces quatre murs. Pour une fois dehors, avoir peur et ne pas oser. Et elle me laisse dans mon confort, cette chambre. Parce qu'elle me brosse dans le sens du poil, parce que je ne me confronte pas au regard de l'autre. Et j'ai l'impression que toutes mes passions, une fois dehors, elles perdent consistance ou elles sont trop fragiles. Mais non. Faut aller au bout. Pour moi, là maintenant, sortir de ma zone de confort, c'est me dire, allez, vas-y. Ose te montrer au monde et aux autres. Ose. Et arrête de vouloir seulement te construire dans un dialogue permanent entre toi et toi-même. Ma chambre, ça peut être une de mes zones de confort. Ça ne doit pas être la seule.